Ben voilà, tout le monde est là, tout le monde va bien. Merci à vous les amis de Games and Watch. J'aime bien vous écouter parce que comme d'habitude, je ne comprends quasiment rien. Mais lorsque vous parlez film, j'adore. Et puis là, vous avez parlé de Mario Kart. C'était très intéressant vu que je joue des batailles contre ma fille et qu'elle me gagne tout le temps. On va m'indiquer des trucs de temps à autre. Allez, bonne soirée à vous et bonjour à vous les auditeurs de RIG sur 90.7 pour Bordeaux et pour Bordeaux aussi parce que pourquoi pas, et pour le reste du monde sur www.rigfm.fr. Aujourd'hui, c'est une saga bien particulière puisque c'est une saga spéciale Paul McCartney. Donc j'espère que ça va vous plaire. On est ensemble pour 2 heures et plus, puisque Eric n'est pas là ce soir. Donc on va jouer des prolongations, les 10 dernières chansons de la 30e à la 40e. Ce sera vous qui choisirez. Voilà, c'est déjà la première surprise de la soirée. C'est la saga numéro 218. Je voudrais dire bonjour à mon pote Michael de New Jersey qui fait une émission également sur le lundi soir, le mardi matin pour nous à 4h du matin qui s'appelle Beatles Tonight, si je ne me trompe pas. Et donc je vous invite à écouter son émission, elle est très très sympa. C'est en Amérique, oui, il y a des Américains qui écoutent la saga des Fab Four et Hello America, voilà, si jamais ils écoutent et qu'ils ne comprennent pas trop le français. On écoutera plein de chansons de Paul, donc je ne vais pas vous raconter tout ça. Je vais vous dire bienvenue à vous si vous êtes sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Bienvenue à vous sur macaclub.com dans le groupe La Saga des Fab Four. Bienvenue à vous sur yellowsub.fr dans le même groupe. 2 heures de Paul McCartney, c'est une grande, grande joie qui commence, dans quelques instants, avec un extrait de l'album Love Gets Back sur RIG en 2006 et la version de Love. Très très bonne idée d'insérer des bouts de chansons dans ça, dans les chansons connues. Ça donne un renouveau, ça donne un petit bonus. C'est bien. Bonne soirée à tous. La saga commence maintenant. Ça. Voici Let It Be, extrait de Let It Be Naked, et le titre du morceau c'est Two of Us et non pas Let It Be, comme je viens juste d'arriver, hein, donc pour pouvoir me mettre en place, il me faut quelques minutes s'il vous plaît. Driving now. un débat intéressant récemment sur est-ce que Paul McCartney a eu raison de sortir Let It Be Naked. Oui, mais avec l'autorisation de Ringo et des ayants droit de George et également de John. Il a eu raison, je dis moi, parce que Let It Be existe et Let It Be Naked, qui était l'album d'origine qu'il aurait voulu, eh bien, existe aussi. Écoutez. Came here a long time ago and we had a blast that night. Paul McCartney est au Shea Stadium. Il est avec Billy Joel et ils vont chanter tous les deux Let It Be. C'est en live, c'est sur RJ. Well, I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. When all the broken-hearted people living in l'album de Billy Joel s'appelle tout simplement Live at Shea Stadium, The Concert. Il est sorti en 2011 et je vous le conseille. Et puis, ça me fait vraiment très très bizarre d'écouter Let It Be en concert parce que je me dis, Quelquefois, je n'ose plus programmer des chansons aussi connues que Let It Be, par exemple, ou que d'autres chansons. Et puis, lorsque je les réécoute, dans ce cadre-là, en concert, ou que ce soit en 2011 ou bien avant, je me dis, bon sang, mais elles sont géniales, ces chansons. Elles sont vraiment très, très bonnes. Il faut les réécouter régulièrement, parce que c'est vraiment, vraiment du bonheur que d'écouter Paul McCartney chanter ses tubes à lui, et aussi ce qui lui appartient à lui, les tubes des Beatles, puisqu'il en a fait temps avec les Beatles. Et puis, je me souviens de sa réflexion, on lui avait reproché en 1989 de reprendre beaucoup de chansons des Beatles, il a fait encore pire après, en faisant quasiment 50% de son show avec les Beatles. Et puis, je me souviens de la réflexion de Paul disant, si quelqu'un a le droit de reprendre les Beatles, c'est moi et mes copains, parce qu'on était les Beatles. Donc, plus que n'importe qui d'autre, on a le droit de reprendre les Beatles. Et puis surtout, c'est la même personne qui a fait Let It Be et qui a fait, par exemple, My Brave Face. C'est moi, Paul McCartney, voilà. Et je trouve qu'il a raison. Allez, le voici, Paul McCartney, dans une version différente de I've Got a Feeling sur RIG, dans la saga des Fab Four, spécial Paul McCartney. I've got a feeling deep inside. Ooh, yeah. Ooh, yeah. I've got a feeling I can't hide. Oh no, oh no. I got a feeling. Oh, please believe me, I'd hate to miss the train. Oh yeah. If you leave me, I won't be late again. Oh no, no, no. Ooh, I got a feeling. I got a feeling. Ooh, yeah. Oh, I got a feeling. Inside. I've got a feeling I can't hide. Ooh, got a feeling. Ooh. Oh, please believe me, I'd hate to miss the train. Ooh, yeah. But if you leave me, I won't be late again. Oh no, ooh, no, no. I got a feeling, oh, deep inside. Got a feeling, yeah, that I can't hide. Got a feeling. Need you. when the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood. Grâce à ce slow langoureux, The My Love, extrait de l'album Red Rose Speedway de Paul McCartney en 1973. Ça donne envie de danser des slows. Ça n'existe plus, malheureusement, les slows, je pense, depuis le temps que je ne vais plus en boîte, mais c'est dommage. C'est absolument superbe. Évidemment, ce slow a été inspiré par sa femme Linda et c'est très très beau. Je me souviens de Paul McCartney ayant dit que le guitariste qui devait faire le solo lui a dit au dernier moment, je peux changer le solo, et lui avait fait oui, ok, vas-y, mais il était pas fier. Et le solo était absolument superbe. Donc il était très très content, Paul McCartney. Voilà. Je voudrais envoyer un grand bonjour à Lovely Rita de Londres, qui tient le Beatles Magazine de Londres. Puisque elle sert de relais entre tous ceux qui aimons les Beatles, mais également ceux qui font des émissions radio, notamment par exemple mon ami Michael du New Jersey. Il y en a d'autres également. Sur Michael, c'est sur Home Ground Radio chaque lundi soir, heure des États-Unis de 10h à minuit, heure française de 4h à 6h, et puis c'est rediffusé le mercredi de 14h à 16h pour nous en France. Si vous voulez écouter son émission, vous verrez, c'est très très très bien. Homeground Radio, New Jersey d'ailleurs. Voilà, la totale. Je voulais faire lui un petit peu de pub parce qu'il parle de moi à l'antenne. Il n'y avait pas de raison que je ne le fasse pas. Le retour également. Voilà, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On est ensemble jusqu'à passer 22h puisqu'il y aura du rab étant donné que Eric n'est pas là. Et donc tout va très bien se passer. La suite de la saga des Fab Four, c'est peut-être l'une des plus belles chansons de Paul McCartney. Et là, John Lennon a cru qu'il s'adressait à lui alors que ce n'était pas à John Lennon que s'adressait Paul. Il s'adressait à celui qui a laissé Linda Eastman partir et lui, Paul McCartney, l'a récupéré. Il a bien fait puisqu'ils se sont aimés pendant très très longtemps. Donc il lui a dit « Dear boy, tu sais pas ce que tu as raté ». Et oui, ça arrive quelquefois, des choses comme ça. I guess you never knew, dear boy, what you had found. I guess you never knew, dear boy, that she was just the cutest thing. I guess you never knew what you had found, dear boy. I guess you never saw, dear boy, that love was there. Maybe when you look too hard, dear boy, you never do become aware. I guess you never did become aware, dear boy. When I elle est belle cette chanson extraite de l'album Ram en 1971. Et que dire de celle issue de l'album, un de mes albums préférés de Paul McCartney. Nous sommes en 1979. Il sort l'album Back to the Egg et sur ce très bon album, oublié malheureusement, y compris par Paul McCartney lui-même, c'est dommage, voici Winter Rose Love Awake. Encore un slow. Shine your light.

À l'époque de Driving Rain, en 2001, Paul McCartney dit au sujet de cet instrumental, avec un petit bout de chanson dedans, « Un matin, comme j'improvisais au piano un petit air, Heather m'a demandé quelle chanson je jouais. Je lui ai dit « Aucune, je compose ». Elle s'est alors exclamée « Tu composes ? Oh mais il faut vite trouver un magnétophone ». On a appelé la réception et les filles se sont mises à chercher un petit dictaphone. Heather ne voulait pas que j'arrête. Alors j'ai fini par écrire la chanson. Le lendemain, à sa question « C'est quoi son titre ?» j'ai répondu « Heather ». Il a dû le regretter un peu plus tard. Mais bon, ça n'empêche que c'est un bel instrumental au piano. Je considère que c'est un instrumental et c'est très très joli. C'est Paul McCartney, bien sûr, qui fait tout ça avec style. Évidemment, le jeu de mots marche moins bien puisqu'en anglais c'est style, style, style sur RG. Extrait de Single Off the Ground, 1993. Lady. Michael Honorato's Got Style with his show Beatles Tonight on Homeground Radio New Jersey every Wednesday from 10 to midnight. You can use this as a jingle, Michael. Hi from your French friend Thierry Gallet, Bordeaux. Voilà, et puis j'aime bien ce jingle, ce titre style, et Jennifer sur Facebook me faisait remarquer qu'il avait encore une belle voix. Ce qui est fantastique, c'est de penser que en 1993, Paul McCartney était déjà célèbre depuis plus de 30 ans, et 1993, c'était il y a un peu plus de 20 ans, donc qu'est-ce que ça passe vite, c'est absolument incroyable. Voici un titre qui va plaire à Julie de macaclub.com. Voici George Michael et Paul McCartney avec ce titre. Le titre est de George Michael, mais il a demandé à Paul de le chanter avec lui. Ça rajoute un plus. Voici Heal the Pain sur RIG dans la saga des Fab Four. Your heart can embrace. Be good to yourself, 'cause nobody else has the power to make you happy. How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain that you feel inside. Whenever you want me, you know that I will be waiting for the. Have really hurt you to make you say the things that you do. He must have really hurt you to make those pretty eyes look so, so blue. He must have known that he could, that you'd never leave him. Now you can't see my love is a good, and that I'm not. How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain. Won't you let me inside? Whenever you want me, you know that I will be waiting for the day that you say you'll be mine. Won't you let me in? Let this love begin. Won't you show me? See him again. Won't you tell him you found someone who gives you more? Paul McCartney dans la saga des Fab Four. Les années 80 ont été dures pour les anciennes stars des années 60. Seulement 20 ans après, certains sont tombés dans l'oubli. Pas Paul McCartney, qui nous revient à la fin des années 80, heureusement, avec un album extraordinaire, l'album Flowers in the Dirt et My Brave Face, et ce titre aussi, Distractions. Il avait dit, j'ai envie de remonter sur scène, mais pour remonter sur scène, j'ai besoin d'un bon album fort qui marche bien. Et celui-là, ben ça a été le cas, l'album Flowers in the Dirt a marqué vraiment le retour de Paul McCartney au premier plan, et c'est tant mieux. D'ailleurs, c'est en 1989 que j'ai vu Paul McCartney pour la première fois sur scène, et je vous assure que ça ne s'oublie pas. Il n'avait que 47 ans, et je le répète, le petit jeune idiot de 25 ans que j'étais à l'époque avait osé penser, eh ben dis donc, à 47 ans, il se débrouille bien encore le vieux. Mais 47 ans, je me rends compte maintenant avec le recul qu'on n'est pas encore vieux. Pas encore. Allez, 1978, sur London Town, voici une de mes chansons préférées de Paul. Une seulement de mes chansons préférées. With a Little Luck, sur RIG. There is no end to what we can do together. C'est la première fois que Paul McCartney mettait en avant comme ça les synthétiseurs et évidemment, c'est une grande réussite. With a little luck. Je me souviens encore, âgé de 14 ans, 78, lorsque j'entendais ça à la radio, parce que ça passait à la radio française et c'était très très très bien. Voici un titre également d'un album oublié de Paul McCartney. Et pourtant, il y a des bonnes perles comme dans chaque album de Paul McCartney. Sur l'album Press to Play, en 1986, il s'est amusé à refaire comme avant, vous savez, des titres collés ensemble. Voici Good Times Coming, Feel the Sun, sur RIG, dans la saga des Fab Four. Paul McCartney. Come at all. Chanson composée à la suite d'une remarque d'un journaliste qui lui disait « Est-ce que tu en as pas marre de composer des petites chansons d'amour idiotes ?» Eh ben non, la preuve, et ça a bien marché. Voici Lunchbox Hot Sox, un instrumental, mais que j'ai retrouvé dans un film récemment. Je me souviens plus du titre, mais j'avais envie de vous le proposer, j'aime bien. L'album Venus and Mars en 1975. En 1999, Paul McCartney se fait plaisir. Il a besoin, le siècle se termine. Et il a malheureusement pour lui perdu la femme qu'il aimait vraiment énormément, Linda, un peu plus tôt. Et donc, quand il a besoin de se ressourcer, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un album de rock. C'est l'album Run Devil Run, sorti en 1999. Et donc des chansons qu'il aimait dans son enfance, qu'il a voulu reprendre à sa sauce à lui. Et comme un grand caméléon qu'il est, à chaque fois qu'il reprend quelque chose et qu'il met du McCartney dedans, ça donne quelque chose de très très bien. Je ne vous ferai pas écouter ce soir la version originale de Brown Eye and Some Men, mais j'aurais pu, mais ce soir c'est un spécial Paul McCartney. Voici donc cette chanson bien enjouée de 1999. Let's rock on R.I.G. Brown eyed handsome man, her destination was a brown. Dans l'an 2000, Paul McCartney reprenait cette chanson Maybe Baby à l'aide de son copain Jeff Lynne. Oui, enfin son copain, c'était plus le copain de George Harrison, mais il a travaillé, Jeff Lynne, il a eu la chance quand même, il était fortement influencé par les Beatles et il a travaillé quand même avec George Harrison, avec Ringo Starr, avec Paul McCartney. Seul lui a manqué John Lennon. Encore que, en 1995, pour la chanson Free as a Bird, quelque part, il a travaillé avec les Beatles. Voilà, puisque le thème, l'idée qu'avait dit Paul McCartney pour travailler sur Free as a Bird, c'est John qui nous donne une cassette en disant « Les gars, moi je pars en vacances et je sais que vous allez faire quelque chose de bien. Allez-y, continuez, faites ça. Ce sera du Beatles. » Et ça a marché. C'était une très, très, très, très belle chanson. Je m'en souviens encore et je me souviens des larmes qui ont coulé de mes yeux lorsque j'ai entendu pour la première fois la voix à nouveau de Paul McCartney venir se glisser sous celle de John Lennon pour Free as a Bird. Grand, grand moment. Let's go. Paul McCartney qui rend hommage à George Harrison dans le concert pour George en 2003, For You Blue sur RIG. Because you're sweet, lovely girl, I love you. Because you're sweet and lovely girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you every moment, I feel blue. I'm living. On trouvera cet album plus tard au cours de la soirée, puisque je vous rappelle, on va faire quelques prolongations. Donc vous pourrez me proposer quelques titres de Paul McCartney qui ne sont pas sur les playlists. Les playlists, vous pouvez les voir sur yellowsub.fr ou sur macaclub.com. Et puis pour le reste, pour les autres, pour ceux de Facebook, proposez-moi une chanson. Je vous dirai si elle est programmée ou pas. Voilà, vous faites comme vous voulez. Je vous propose de retrouver Paul McCartney dans une chanson que je n'avais pas entendue depuis longtemps, avec Michael Jackson sur l'album Thriller. Voici The Girl Is Mine. Michael, we're not gonna fight. Michael from New Jersey. I'm kidding. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one is special in her heart. The girl is mine. girl is mine. Just a waste of time, because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. I love you. Time. I know she'll tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. I'm not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. Yeah, I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she says she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe. Vous êtes bien sûr RIG en France, la radio émet depuis la région de Bordeaux. Vous écoutez sur en FM sur 90.7 et pour le reste du monde sur internet à Bordeaux aussi si vous le souhaitez sur www.rigfm.fr. Et je vous assure qu'on est écouté loin, puisque on est écouté, je sais, dans la région bordelaise, sur Paris, on est écouté en Israël, on a été déjà écouté en Inde. Là c'est embêtant parce qu'il est obligé de se lever à 2h du matin pour écouter la radio, mais il y a également des Belges, il y a des Français un petit peu partout et des Américains, notamment du côté de New York ou en Floride avec Edgard, que je n'ai pas encore vu sur Facebook, et ma copine Marie-Pierre, qui est une Française qui vit aux États-Unis. Voilà, tout ça pour leur envoyer un petit clin d'œil et pour leur dire « Why don't you dance tonight ?» Voici une version différente de cette chanson. J'adore cette version de Dance Tonight de Paul McCartney. La prochaine, c'est une surprise, puisque ceux qui ont vu la playlist savent que c'est Coming Up, mais ceux qui ne sont pas dans le secret des secrets ne savent pas de quel album j'ai pris cette chanson. Écoutez bien. Oui, il fallait oser. La musique de Mon Smooth and the Grey Goose avec Coming Up avec les paroles par-dessus. Ça se marie très très bien. Je préfère Coming Up, la version connue, mais là, c'est bien. Et c'est sur RIG. We'll be right back. Paul McCartney en duo avec moi. sur le refrain, en tout cas. Let it shine on, let it shine on. J'adore cette chanson, extrait de l'album Electric Arguments en 2008. Voici un petit cadeau pour vous, les amateurs des Beatles en général et de Paul McCartney en particulier. Je sais que sur le site macaclub.com, tout le monde se frotte les mains parce qu'ils adorent, tout comme moi, Paul McCartney. Écoutez ça. Paul McCartney s'adresse directement à John Lennon. Le Barge sur Facebook est pardonné parce que il est un grand grand fan de Johnny Hallyday et il commence à devenir un très grand fan de la saga des Fab Four, mais il est moins féru, il est moins pro, on va dire, sur la saga, parce que en entendant I Saw Her Standing There, il a mis sur Facebook des images de Paul McCartney avec Bruce Springsteen. C'est vrai qu'ils ont chanté ça, ils ont chanté même Twist and Shout, mais là il s'agissait de Billy Joel au Live at the Shea Stadium en 2011, je crois. C'était encore extrait comme mon début quand il avait chanté Let It Be. Voilà, je voulais donc rétablir ça. C'est avec Billy Joel et non pas avec Bruce Springsteen. Voici une version de Live and Let Die que j'aime beaucoup, qui est une version différente. Elle date en 2003. C'est extrait du film The In-Laws avec Michael Douglas, si mes souvenirs sont bons. Elle est originale, elle est bien. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Version et quelle très très belle fin, j'adore. Je vous propose de continuer la saga encore quelques temps. Nous en sommes à la chanson numéro 27. En théorie, il n'y a que 30 chansons. Vous voyez, comme d'habitude, en théorie, je serai en retard avec Eric, mais Eric n'est pas là. J'ai donc prévu 40 chansons maximum et 35 sont déjà programmées, puisque discrètement, que ce soit sur macaclub.com, sur yellowsub.fr ou sur Facebook, vous m'avez proposé des chansons. Il y aura Something, il y aura une petite exception, Wawa, tirée du du concert Fort George, parce que j'adore cette chanson et qu'elle fout une pêche d'enfer, il y aura All My Loving, After the Ball, Million Miles et Only in Our Hearts. Il reste donc la 36, 37, 38, 39 et 40e chanson à programmer. À vous de me proposer des chansons. Je les incorpore au fur et à mesure jusqu'à la fin de cette saga des Fab Four. Beware My Love, en version 1976. Montez le son, j'adore la voix de Paul à cette époque-là. I'm saga des Fab Four, c'est sur RIG. Thank you. On y reviendra sur ce concert sur RIG dans la saga des Fab Four. Everybody out there, listening to RIG, R.I.G. Ben oui, c'était lui, Paul McCartney. On termine cette émission, il n'y a plus de place maintenant, donc ne proposez plus de chansons à la fois rapide et en douceur, il y aura quelques douceurs. Voici un hommage à George Harrison, par deux fois. D'abord par Paul McCartney lui-même, Something, et par Eric Clapton, Wah Wah. Hommage à George Harrison sur l'album The Concert for George, qu'il faut absolument avoir. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. Well, you know I'll be leaving now. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in a style that shows me I don't want to leave her now. Well, you know I'm leaving now. Ooh. Well, you're asking me who my love goes. I don't know, I don't know. Well, if you stick around now, it may show. But I don't know, I don't voici plus. Montez le son, voici Wah Wah sur la RG dans la saga des Fab Four.

Deo. How many million miles, Deo? When I get up, up, up in the morning, oh Lord, I know. When I look up, up, up in the evening, oh Lord, I know how many million miles there. Faut que je me retienne de vous passer, de ne pas vous passer l'intégralité de l'album, tellement j'aime cet album Back to the Egg en 1979. Vous êtes bien sur RIG 90.7. L'émission est bientôt finie. Il reste 5 chansons. Mais avant de partir, voici une autre petite douceur. C'est, si je me souviens bien, c'est Clément de macaclub.com qui m'a demandé ce titre. Surprenant de sa part, mais c'est bien aussi. My love was here, I'd be taking the time to feel it washing over my body and soul. If only my love, only my love was here. I wish that my heart was strong, I'd be letting it beat much faster at the thought of you holding me near. I wish that my heart, wish that my heart was strong, longing to be your lover. Don't want to ever be far apart from you, my love. But only our hearts will know if we're gonna spend it together, holding on to the dreams that we share. Only our hearts know how much love is there.

McCartney en 1976 sur le fantastique album Wings Over America. Voici Hi Hi Hi sur RG. Time.

so sweet to me. Okay, this time just the men, just the boys. Come on, fellas. All right, now just the girls. Come on, ladies. I gotta hear that again. One more time with the girls. Come on. Paul McCartney sur RIG. C'est ainsi que s'achève la 218e édition de la saga des Fab Four, cette saga spéciale Paul McCartney. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir apprécié puisque vous êtes restés du début à la fin, et ça c'est vraiment bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. N'oubliez pas Lovely Rita pour vous concentrer, pour tout savoir sur les Beatles dans le monde au moment même où ça se passe, puisqu'elle est copine avec les membres du groupe de Paul McCartney, avec des gens qui font des émissions sur les Beatles. Elle est fantastique, Lovely Rita. N'oubliez pas Beatles Magazine sur Facebook, sur Google+, sur plein de plateformes. Vous la retrouvez partout, sur Twitter, etc, etc, etc. Moi aussi d'ailleurs, vous me retrouvez sur Google et sur Twitter. Salut, à la prochaine fois. Attention, il y a un cadeau après le générique, donc restez. Bye. And I might have not had anything I like. Mason, Deputy Sheriff. Well, we were after a man who was apparently had been doing something pretty desperate. Say you don't love him, my salamander. Why do you need him? Oh no, don't answer. Oh no, I'm getting closer. Absolument toutes les bonnes choses ont une fin, donc je ne vous passerai pas l'album entier. Il est 23h passées de 2 minutes sur RIG. Je vous souhaite une très très bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.